Section numéro 68 de Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 2e. L'Europe féodale. Les Croisades, 1095-1270, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 14, l'Europe de l'Est. Slaves, Lituaniens, Hongrois, du milieu du XIe siècle à la fin du XIIIe siècle. Introduction par Ernest Denis. L'histoire de l'Europe orientale du XIe au XIIIe siècle n'est pas sans offrir quelque analogie avec celle de l'Europe occidentale pendant la même période. La matière historique est encore flottante et les nationalités indécises essayent de se constituer. Le système des apanages et l'incertitude des lois qui régissent la succession au trône frappent de stérilité toutes les tentatives de concentration et provoquent des guerres civiles incessantes. Le régime patriarcal est partout en décadence. Les castes se forment, la noblesse grandit aux dépens du peuple, qu'elle tend à réduire en servage, et de la couronne qu'elle dépouille de ses droits essentiels. Dans ces luttes intestines, les forces nationales s'usent sans gloire et sans profit, et les Slaves reculent sur tous les points devant leurs voisins. C'est l'époque de la grande poussée de la Germanie vers l'Est. Les Allemands s'établissent en Transylvanie, peuplent presque toute la ligne des Carpates, s'emparent des frontières de la Bohême. Maître du pays, compris entre l'Elbe et l'Oder, où les Polabes, vaincus, perdent bientôt jusqu'au souvenir de leur nationalité, ils séparent la Pologne des montagnes et de la mer. L'ordre teutonique soumet les Prussiens et domine les bouches de la Vistule et de l'Oder, et les porte-glaives s'établissent en Courland, en Livonie et en Estonie. Sans frontières, sans débouchés sur la mer, la Pologne, ouverte à toutes les invasions, est désormais menacée par la domination étrangère. L'héroïsme de sa chevalerie et les victoires sans lendemain de ses rois ne pourront qu'ajourner sa ruine. La Russie, coupée de la Baltique, cesse d'être une puissance européenne. Dans la plupart des États, les villes, peuplées de colons étrangers, sont comme les postes avancés qui préparent la conquête. Elles ne se mêlent pas à la vie nationale et n'obtiennent ni ne revendiquent l'influence qui, en Occident, revient à la bourgeoisie. Les classes supérieures adoptent les coutumes et la langue allemande, et les mœurs accentuent ainsi, entre les nobles et le peuple, la différence que les lois ont commencé à établir. Soumises à des influences divergentes, les diverses nations slaves se séparent de plus en plus. Le contraste entre les Slaves orientaux, qui ont reçu de Byzance le christianisme et les principes de leur civilisation, et les Slaves occidentaux, qui se sont rattachés à l'Église de Rome, se marque toujours plus profondément. Les sentiments de solidarité slave, déjà si vagues pendant la période précédente, s'atténuent toujours davantage et ne se réveillent faiblement qu'à de très rares moments. Refoulés dans le bassin de la Vistule, les Polonais cherchent vers l'Est un dédommagement de leurs pertes, s'essayent à la conquête de la Russie rouge et ouvrent le long duel qui, pendant des siècles, les mettra aux prises avec les Russes pour le plus grand profit de leurs ennemis communs. De même que la Pologne, la Russie recule vers l'Est. Les provinces méridionales perdent la prépondérance qu'elles avaient exercée jusque-là et un nouvel empire se fonde en Souzdali. La Russie occidentale et méridionale sublime l'influence étrangère. La différence entre les grands et les petits Russes, déjà visible dès les premiers temps de leur histoire, s'accentue et ils donnent naissance à deux nationalités assez distinctes pour que leur rapprochement ne se fasse pas sans difficulté et sans résistance. Ainsi affaiblies, les populations de l'Europe orientale sont surprises par une des plus terribles secousses qui a ébranlé l'humanité. Vers le milieu du XIIIe siècle, des hordes venues de l'Asie centrale et organisées par le génie de Gengis Khan s'abattent sur la Russie, dévastent la Pologne, la Moravie et la Hongrie, s'avancent jusqu'à la Drave et à la Save, et, en se retirant, laisse le sol jonché de cadavres et de ruines. En quelques mois, tout le travail de plusieurs siècles a été anéanti. Après la tourmente, Les pays qu'elle a ravagés demeurent dépeuplés, ruinés, démoralisés, plus divisés aussi qu'auparavant. Tandis que la Bohême, la Pologne et la Hongrie s'attachent plus étroitement à l'Allemagne, où seulement ils peuvent trouver les ressources nécessaires à leur relèvement, la Russie, soumise pendant plusieurs siècles aux Mongols, devient un État asiatique. La race slave semble condamnée à disparaître avant d'avoir vécu. Elle sera sauvée par un réveil inattendu de la conscience nationale qui, coïncidant avec la décadence du Saint-Empire pendant le XIVe siècle, arrêtera pour longtemps la marche des Allemands vers l'Est. Fin de la section 68.